que ses ancres de fond ne retenaient plus, après avoir, comme nous disions, flairé la mer, courut droit devant elle, l'étrave haute, persuadée peut-être la chère âme qu'on la ramenait vers les cales de Radoub et le tranquille hivernage dans les bassins bretons. Nous faisions cap sur Reykjavik. Fin de la section 2.